Coucou, bonjour, bonsoir, merci d'être là pour cette 755e émission. Nous allons embarquer tout de suite sans attendre parce que la musique n'attend pas. La musique fait partie de notre vie tout simplement. Et alors, on va arrêter de parler et on va dire allez, c'est parti. Allons-y, c'est parti. En avant la musique, cœur ardent, droit devant. On a toujours un temps. Fantaisie, beaux amis, l'orchestre est sympathique. En avant maintenant, et prenez du bon temps. Tout le monde est arrivé, alors le bal peut commencer. Regardez bien mesdames, il n'est que de beaux cavaliers. Quand la musique s'arrêtera, vous devrez les embrasser. Même si de temps en temps, ils vous ont marché sur les pieds. En avant la musique, cœur ardent, droit devant. On a toujours un temps. Fantaisie, beaux amis, l'orchestre est sympathique. En avant maintenant, et prenez du bon temps. Le bal est commencé, tout le monde s'est mis à danser. L'orchestre va jouer, toutes les danses, on va s'amuser. Les musiciens sont lancés, on ne peut plus les arrêter. Même si de temps en temps, quelques canards vont s'envoler. En avant la musique, cœur ardent, droit devant. On a toujours un temps. Fantaisie, vos amis, l'orchestre est sympathique. En avant maintenant, et prenez du bon temps. Eh oui, pour sûr qu'on va prendre du bon temps, parce que le bon temps, eh bien, c'est tout simplement précieux. Au rendez-vous des musettes, c'était le nom de ce bal. Vous l'avez connu peut-être, juste à côté du canal. Au rendez-vous du musette, c'était sympa et génial. Lorsque j'y pense, ça me fait drôle au cœur. C'était le temps du bonheur. Une terre entre l'or et le feu qui le rend plein de soleil. Les rochers qui caressent à la fois le ciel et l'océan. Dans le cœur une rose d'amour au parfum de miel. Sur les lèvres cette vieille chanson que chantait le vent. J'entends les mariachis jouer chaque nuit. Cette vieille chanson qui nous faisait mourir de bonheur. Et de jour en jour, l'écho de cette mélodie qui faisait danser les souvenirs au fond de mon cœur. Sierra, Sierra, madre del sur. Sierra, Sierra, madre. Oh, oh, oh, Sierra, Sierra, madre del sur. Sierra, Sierra, madre. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you. dame, c'est le début du bal. Choisissez bien votre cavalière. Allez, allez, monsieur, dame, ne restez pas assis. Tout le monde en piste pour la première. On va danser de tout, s'amuser comme des fous et même changer de partenaire. Très bon après-midi en notre compagnie. Ça y est, les amis, c'est parti. très belle mélodie qui est adressée bien sûr à tous les amis. Et puis voilà, ce sont des choses que l'on arrive eh bien tout simplement à ne pas oublier, parce que les amis sont les amis. Comme je le dis souvent, il n'y en a pas beaucoup d'amis et ils tiennent bien souvent tout simplement dans une petite main. Aimer, oui, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est comme le dit la chanson, bien évidemment. Je vous souhaite, bien sûr, à toutes et à tous, de pouvoir aimer quelqu'un, oui. Petite dédicace de la part d'Henriette pour son ami Raymond. Un banc, un arbre, une rue. Un arbre, une rue, où l'on a percé l'horreur. On a tous un banc, un cette chanson, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et en tout cas, je suis sûr que chacun d'entre nous avons un banc, un arbre, une rue où effectivement on a bercé nos rêves. Ça, j'en suis persuadé. C'est une très très très belle chanson que nous a interprétée Séverine. Et merci à Henriette d'avoir eu cette délicate pensée pour son amie Raymonde. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent qu'une rengaine, mais ça se promène sur les joies, les peines. Allez savoir, allez donc savoir pourquoi. Parce qu'un jour, deux ou trois mots d'amour ont fleuri sous le toit d'un enfant du faubourg qui n'avait rien dans ses dix doigts qu'une guitare en bois, au cœur un grand bonheur et quelques rimes autour. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent qu'une rengaine, mais ça se promène sur les joies, les peines. Allez savoir, allez donc savoir pourquoi. Parce qu'un jour, un gamin de Paris la sifflette à midi, en retrouvant Mimi, et que Mimi est repartie la chanter à son tour, en traversant la cour, à son tour, et voilà. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent qu'une rengaine, mais ça se promène sur les joies, les peines. Allez savoir, allez donc savoir pourquoi. Parce qu'un soir, quand s'installe à l'amour, au cœur d'un troubadour, il perdit le sommeil, doucement, tout doucement, quand revint le soleil, c'est un refrain de plus qui avait vu le jour. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent qu'une rengaine, mais ça se promène sur les joies, les peines. Allez savoir, allez donc savoir pourquoi. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose Alors, vous le savez pourquoi ? Non ? Eh bien, réfléchissez et vous verrez que vous allez trouver, et bien sûr, la réponse. On est parti dans les belles musiques. Elle est belle. On fait des belles choses avec un accordéon, une basse, et puis une batterie, et bien évidemment un saxophone. Ça nous fait du bien hein, d'entendre ces belles musiques. Eh bien, rien que pour ça, on recommence. Thank you. efface, as-tu oublié? Chance, nous avons la chance d'être tous les deux les plus heureux. C'était ma chanson, t'en souviens-tu? De ce petit refrain, né dans la rue. Quelques mots du cœur que je t'avais écrit. Nous avions 20 ans, c'était le bon temps et tu nous semblais permis. C'était ma chanson, mon ingénu. Te rappelles-tu les soirs de fête quand nous la chantions, tu s'accutais-tu? C'était ma chanson, t'en souviens-tu? Passe, c'est le temps qui passe et rien ne n'efface, as-tu oublié? Chance, nous avons la chance d'être tous les deux les plus heureux. Allez, joue, joue, joue! Petit Madison pour nous changer un petit peu eh bien, les idées après ce petit Charleston. Encore une fois, ça nous danse en se souciant de la cadence. Danser c'est pas de danse, encore une fois c'est de la chance. Danser c'est pas de danse, ça c'est super quand ça balance. Danser c'est pas de danse, cela devient une évidence. Danser c'est pas de danse, encore une fois on recommence tous les dimanches. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Emporte-moi. Je vais vous offrir une toute petite rose. Tout ça pour rester dans la douceur, bien évidemment. Jardin, du temps qui passe. L'hiver a fait son nid sous la neige et sous la glace. Une rose est endormie, mais malgré le froid silence, sa chanson n'est pas finie. Au printemps, tout recommence. Un matin, l'amour fleurit. Quand un jour le cœur se brise, on voudrait ne plus aimer. On a peur. L'amour ne meurt jamais. Et même quand ça fait mal, quand le cœur se déchire dans un instant fatal, l'amour est chaque fois plus fort que nous, plus fort que tout. Il vit en nous. Et même quand on est seul, sans rien à espérer, personne à qui parler, il reste là au cœur des souvenirs, au fond. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. Tout est bien fini, il me reste une valse et mes larmes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sans amour, et pourtant cette valse aurait pu durer toujours. Allez, une petite dédicace. Une petite dédicace qui va permettre. Oh, c'est un petit peu en avance, mais bon, ce n'est pas bien grave. Comme c'est une dédicace pour la Saint-André qui va se dérouler eh bien, vendredi prochain. Eh bien, Lulu et Fanfan, les danseurs mondains d'Ardon, souhaite une bonne fête avec quelques jours d'avance à tous les Dédés qu'ils connaissent et plus particulièrement aux deux Dédés de Musinan. Voilà. Alors, je vous propose une belle valse. Elle est un peu spéciale. l'amour ne meurt jamais. Et même quand ça fait mal, quand le cœur se déchire dans un instant fatal, l'amour est chaque fois plus fort que nous, plus fort que tout. Il vit en nous. Jamais, c'est quelque chose qui résiste à toutes les tempêtes, l'amour. C'est, comment dire, c'est tout simplement magique, l'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est magique, tout simplement. Allez, une petite dédicace. On va rester dans le souvenir de celles et ceux qui, ces derniers jours, nous ont quittés, et il y en a un certain nombre. Et Françoise, une amie fidèle, eh bien, à cette pensée, une pensée très émue pour Thérèse, qu'elle a bien connue, et pour Pierrot, aussi, à Arlo, et maman Pichou, bien évidemment, des personnes qui lui étaient chères. Eh bien, ma chère Françoise, l'Ave Maria avec Laura Ulrich. Thank you. délicate pensée, bien sûr. C'est vrai que quand une personne nous est chère et qu'elle nous quitte, d'autant plus quelqu'un avec lequel on a pu partager des bons moments de la vie, voire même les mauvais moments, c'est toujours un déchirement. Mais voilà, quand le souvenir reste parfois, il est bon tout simplement de se rappeler de celles et ceux qui nous ont quittés. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connu au café des Trois Colons, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi, elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo, je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti leur terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colons, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colons. C'était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colons, au rendez-vous des amours sans abri. Toute la vie, on n'avait rien, mais on avait toute la vie. D'ailleurs, on n'a toujours rien et il nous reste très peu de vie. En tout cas, j'espère que celle-ci va nous porter encore pendant quelque temps. Eh oui, On est bien sur cette terre finalement, même si les malheurs subsistent et que les choses ne sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. On n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Allez. Là j'ai perdu le fil. Là. Ah oui, c'était le café des Trois Colombes. Oui, bon. Eh bien, allez. Un petit coup de guitare. Une bonne partie de guitare. Vous savez que j'adore cet instrument-là. Allez, c'est parti. California Blue. C'est une petite dédicace que je vous propose, voilà. Une petite dédicace qui est dédiée à Lulu et Fanfan, et c'est de la part d'Yvonne. Alors, c'est une... Yvonne, Lulu et Fanfan, vous l'avez vue il y a quelques jours. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais elle se rappelle bien de vous. Et elle veut vous offrir tout simplement une chanson. Eh oui, une chanson. Serge Lama. Serge Lama avec Marie la Polonaise. C'est pour Lulu et Fanfan de la part d'Yvonne. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Sous la glace de ton assaise, inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie douloureuse, Marie départ, Marie je pars, Marie j'ai peur. Je veux graver mes lèvres en rouge sur ton cœur. Mon ardente, ma polonaise, ah, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma polonaise, je suis affamé comme un loup. Marie, solitaire, Marie, la terre, Marie, la mer, Marie, le feu. Je viens. Mon rêve est que tu règnes en maître sur mon cœur. Solitaire, Marie, la terre, Marie, la mer, Marie, le feu. Marie, sur la terre, ton ombre est le soleil d'amour qui éclaire mes yeux. Qui vient du fond du ciel, Marie, Marie, Marie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you are love. Pour la toute dernière dans cette deuxième partie de l'émission, allez, on va se payer une petite frite. D'accord, poulet. Voilà, on s'est payé une frite. Et oui, on s'est payé une frite. Allez, on passe tout de suite au quart d'heure italien avec quelques petites surprises. La mamma di Rosina era gelosa, bim bum bam, tira la corda del tendifai, Rosina, amami, per carità, nemmeno a prenderla qua, con gli occhi bianchi e neri, nemmeno a prenderla qua, la mandava. Un giorno salto presto e andò al mulino, bim bum bam, tira la corda del tendifai, Rosina, amami, per carità. Ah oui, on est dans le quart d'heure italien, hein. Vous en êtes aperçu? Eh oui! Oh Pinotta, bella Pinotta, una grazia vorrei da te. Dimmi, dimmi che grazia vuoi, una notte a dormir con te. A mezzanotte, quando mamma e papà non c'è, vieni, vieni a mezzanotte, quando mamma e papà non c'è. Mezzanotte è già suonata, oh Pinotta, vieni ad aprire. Mezzanotte già suonata, oh Pinotta, vieni ad aprire. Son qui in stanza in camiciola, dammi il tempo per rivestir. Son qui in stanza in camiciola, dammi il tempo. Non importa che tu ti resta, tanto bianda tu piaci a me. E non importa che tu ti resta, tanto bionda, tu piaci a me. Metti sulla sottana bianca quel che manca anche me. Metti sulla sottana bianca quel che manca, ce l'ho anche me. Metti sulle scarpette rosa fatte apposta per l'emballar. E metti sulle scarpette rosa fatte apposta per emballar. Metti su il corpetto nero, le tue forme fai risaltar. Metti su il corpetto nero, le tue forme fai risaltar. Metti in testa un cappellino che a passeggio ti porterò. Metti in testa un cappellino che a passeggio ti porterò. E poi quando saremo fora un bacetto io ti darò. E poi quando saremo fora un bacetto io ti darò. Per finire questa serata un ricordo ti lascerò. Grazie, grazie, oh mia pilota, tra cent'anni ritornerò. La Pinotta. C'est des chants folkloriques italiens, du véritable bonheur, pour celles et ceux, bien évidemment, qui comprennent les paroles, bien sûr. Mais voilà. Allez, on continue. Une petite valse avec, ce qu'on appelle les retraités. Aspetta per anni di andare in pensione, ma arriva quel giorno e ti assale un pensiero. Vorresti cambiare l'ambito traguardo con qualche anno in meno, ma no, non si può. Ti senti felice ma un po' ti dispiace di avere raggiunto la bella età. Ti senti un po' vecchio ma che te ne importa, c'è la salute che si va. Questo è il valzer dei pensionati che hanno lavorato tanto, son felici e non sono stanchi di ballare insieme a noi. Questo è il valzer dei pensionati che riposano gli affanni e ballando si scordano gli anni e la vita ha un altro sapore. Ci son poche cose che fan viver bene, un po' di salute e serenità, i bei nipotini che danno allegria, ti portano via i più tristi pensieri. E ogni mattina si guarda su al cielo, si dice anche oggi si può ancor sognare, si vive sperando sia buono mattino e un bicchiere di vino ci farà allegrare. Questo è il valzer dei pensionati che hanno lavorato tanto, son felici e non sono stanchi di ballare insieme a noi. Questo è il valzer dei pensionati che riposano gli affanni e ballando si scordano gli anni e la vita ha un altro sapore. Il valzer dei pensionati che riposano gli affanni e ballando si scordano gli anni e la vita ha un altro sapore. E ballando si scordano gli anni e la vita ha un altro sapore. Allez, je ne vous en dirai pas plus, mais l'histoire qui va se dérouler maintenant en chanson, bien évidemment, se passe derrière un monument. Et je dédie cette chanson à l'ami Alain, qui vient de tout juste de nous envoyer un petit coup de fil pour, eh bien, comme il le dit souvent, saluer la station. Merci mon pote Alain, pompier de service du côté de Saint-Germain-de-Joux. C'est pour toi, mon pote. Même si tu comprends pas, je te l'adresse. Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo. Insieme si è beccata anche lo scolo delle nevi è terminato. Scriveva mia cognata al fidanzato e andando in giro per tutto il paese buttava via le pezze del marchese. Villargento era partito lasciando la sua donna ad un amico, ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro al monumento di Mazzini. Giocavano correndo i ragazzini, siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si facevano una sega, sega, sega, falegname. Se guadagnare vuoi fare il salame, ma quando ti diverti come dove, facendo con la moglie un bel 69 balti bersaglieri, dall'Africa son ritornati ieri. Portavano il mantello sulle spalle e tutti si grattavano le palle. Di cannon non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile davvero se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato. E l'uccellino in cielo svolazzava, poi prese un altro uccello e lo... Voilà, l'ami Alain, j'espère que tu as saisi quelques paroles de cette chanson. Voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde, mon pote. Allez. C'était ton coletto, manine ton canto. C'était ton coletto, manine ton canto. C'était ton coletto, manine ton canto. Lo diresti al tuo papà in cantona. Si tomato che Miguel diga. se te tocco i to bra, se ti ton canton, se te tocco i to bra, se ti ton canton, se te tocco i to bra, se ti ton canton, lo diresti al tuo papà di cantona. Si tomato che mi diga mio papà, si tomato che mi diga mio papà. Petite, ben celle-ci, je l'adresse à mon ami Marcel. Rosina, dammela, dammela, dammela, dammela, Rosina, dammela. Madonna le scucche, mi diucce piano piano, la sciambata la dame giana. Rossina, dammela, dammela, dammela, dammela, Rossina, dammela, dammela. mozzica, mannaggia lo pizzica. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo mozzica. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo mozzica. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo mozzica. Rossina, dammela, dammela, dammela, dammela. Rossina, dammela e dammela per amor. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre. Allez, bon, il va nous rester la toute dernière. Je vous propose eh bien, tout simplement de retrouver un tout petit peu le sérieux. Et puis, une très belle chanson pour terminer cette émission. Une très belle chanson qui parle des gens de chez nous en Italie, bien évidemment. Voilà, c'est quelque chose... Elle est magnifique, cette chanson. J'espère que vous la comprendrez bien. Sono nati in queste valli, tra le cime i nostri monti, come l'acqua delle fonti, hanno la sincerità. Son temprati dalla vita, la famiglia dentro al cuore, una mamma al focolare, ti dà serenità. Gente così c'è soltanto qui, sono gli amici che questa sera sono qui con noi. Gente così c'è soltanto qui, sono gli amici che questa sera sono qui con noi. Perché girare il mondo, cercare la luna, per poi trovarsi soli e senza fortuna, se la tua terra è qui, con gli amici sinceri. Son come una famiglia che vive d'amore, se danno l'amicizia la danno col cuore, in questo mondo che tanto amore non c'è. Voilà, c'est avec cette dernière chanson que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. La famiglia dentro al cuore, una mamma un focolare, e ti dà serenità. Gente così, c'è soltanto qui. Sono gli amici e questa sera sono qui con noi. Gente così, c'è soltanto qui. Sono gli amici e questa sera sono qui con noi. soli e senza fortuna, se la tua terra è qui. Amici sinceri, sono come una famiglia che vive d'amore, se danno l'amicizia, la danno col cuore, in questo mondo che tanto amore non c'è. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.